Now listen again to the last part of the conversation in the Gare du Nord. Avez-vous faim? What? Voulez-vous manger quelque chose? You want to eat something? Ah, no thanks. I had something earlier. Très bien. Nous allons à l'hôtel. We go to your hotel. Right. Est-ce votre valise? Valise? Oui. Vous avez... You have this case only? Yes, just the one. Bon, allons-y.